L'hiver a été particulièrement doux, ça ne vous aura pas échappé, si doux que l'hibernation de certains mammifères prend fin plus tôt que prévu. Mais qu'est-ce que c'est précisément que ce phénomène d'hibernation? Comment des animaux à sang chaud peuvent-ils rester dans un état semi-végétatif pendant des mois sans se nourrir en ayant accumulé d'importantes quantités de graisse et de sucre et se réveiller en quelques heures pour reprendre une activité normale? De nombreux travaux s'intéressent à ces mécanismes qui pourraient avoir des applications essentielles, tant en chirurgie que dans la perspective lointaine de voyages spatiaux lointains. Hibernation, 1, 2, 3, sommeil, c'est le programme engourdi qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà ce titre navrant pour nos deux invités du jour qui vont nous aider à sortir donc de cette torpeur hivernale. Nos deux invités sont donc aujourd'hui Géraldine Véron, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, membre de l'Institut Systématique, Évolution et Biodiversité. Et bonjour à vous Fabrice Bertil. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS dans l'équipe spectrométrie de masse bioorganique à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg. Vous pouvez suivre cette émission, eh bien, comme d'habitude, via votre mode d'écoute favori sur les ondes, en replay sur franceculture.fr ou en podcast sur votre petite machine favorite, mais également, comme toujours, en complément via notre fil Twitter, @laméthodefc. Voilà, ce qui sont charmants, c'est le son d'un loir qui hiberne. Fabrice Bertil, vous revenez tout juste de Suède, alors pas pour étudier des loirs, pour étudier des animaux un tout petit peu plus gros. Et avec l'incroyable redoux cette année, je le disais à l'instant, vous avez constaté que plusieurs ours sont déjà en train de sortir d'hibernation plutôt que prévu. Alors en effet, cette année l'hiver est très doux, même en Suède, même si hier on est reparti sous la neige. Il y a très peu de neige, les températures étaient très clémentes, on a passé toute la semaine dernière dans des températures positives en journée, donc jusqu'à plus 5, plus 7 degrés. Et le problème, c'est que l'entrée des tanières des ours commence à se découvrir, donc un risque qu'ils se réveillent plus tôt que d'habitude et qu'ils ne trouvent pas la nourriture dont ils auront besoin s'ils se réveillent tout de suite. Géraldine Véron, ça veut dire que la sortie d'hibernation est strictement dépendante et conditionnée aux redoux et aux températures ? En fait, l'entrée comme la sortie de l'hibernation, il y a des facteurs à la fois endogènes, c'est-à-dire qui sont liés à l'espèce et à son rythme biologique, et des facteurs externes, comme la température, la longueur du jour, ce genre de choses. Qu'est-ce qui conditionne l'entrée en hibernation ? On pense que c'est la température qui chute et que d'un seul coup, les mammifères, petit à petit, commencent à accumuler des réserves et vont se coucher. Mais en fait, c'est plus complexe que ça, c'est multifactoriel. Oui, c'est ça, c'est multifactoriel. En fait, ils ont accumulé des réserves bien avant, heureusement pour eux, parce que c'est quand même pas instantané. Donc il y a un processus quand même qui est quand même assez long, même si on sait que, par exemple pour les ours, qui vont vraiment augmenter leur prise de nourriture en nourriture riche avant l'entrée en hibernation. Et selon les régions, on sait qu'il y a une influence forcément du climat et de la longueur du jour, puisque notamment, par exemple, chez les ours, il y a des espèces qui, dans certaines conditions, hibernent, dans d'autres conditions, n'hibernent pas. C'est le cas de l'ours noir asiatique, ou ours à collier, par exemple, qui vit en Asie dans une grande aire de répartition, et dans le sud de son aire de répartition, comme en Thaïlande, où ils ont de la nourriture un peu toute l'année, et des températures plus clémentes toute l'année, ils ne vont pas hiberner. Donc on sait quand même que c'est un facteur, au sein d'une même espèce, les conditions extérieures jouent. C'est-à-dire que l'apport en nourriture peut être un des éléments déclencheurs de la phase de préhibernation ou de la phase de recherche à constituer des réserves. Clairement. Fabrice Bertil. Clairement, par exemple, on dit que les ours blancs n'hibernent pas, mais une femelle qui doit mettre bas va aller hiberner pour mettre bas, et elle n'ira hiberner que si elle a accumulé une quantité de graisse suffisante. Donc, trouver de la nourriture et accumuler ses réserves pour pouvoir tenir des mois, c'est un élément essentiel. Et je rajouterais qu'il y a en plus de ces facteurs externes, il y a aussi des facteurs internes. Il y a des expériences qui ont montré que si on transfuse un animal non hibernant, un petit mammifère non hibernant, du sang de mammifère hibernant, et ben il va se mettre à hiberner. Donc il y a des facteurs également circulants qui contrôlent cet état d'hibernation. Donc des facteurs certainement génétiques. De quoi on parle exactement, Géraldine Véron, quand on parle d'hibernation? Parce que là, on parle de mammifères, mais il y a plein d'animaux à sang froid aussi qui hiberne, mais on ne dit pas vraiment hiberner pour les mammifères. On ne dit pas hiberner. En fait, là, le processus, c'est en fait de l'hibernation, c'est pour se mettre à l'abri des mauvaises températures et puis de l'absence de nourriture, en fait, d'une certaine manière, d'économiser son énergie. Donc, c'est une période d'inactivité et où le métabolisme est réduit. Pour les autres espèces, on va parler plutôt de mise en torpeur ou de dormance, enfin ce genre de termes, qui, quand c'est un lien plus aussi avec l'absence de nourriture, ça existe chez certains reptiles, par exemple, qui vont être inactifs pendant certaines périodes. Mais ce sont des processus un peu différents. On va parler d'hibernation, donc on va parler essentiellement, même quasiment exclusivement de mammifères pendant tout au long de cette heure. Mais il faut préciser, effectivement, Fabrice Bertil, qu'on l'oublie, mais finalement, toutes les espèces animales ont des stratégies d'adaptation aux températures, aux réserves de nourriture, à la diminution de la luminosité ou au contraire à son augmentation. C'est-à-dire que nous sommes tous, nous y compris primates évolués, sensibles au changement du climat. Effectivement, il y a beaucoup d'animaux qui hibernent, ça c'est clair, mais pour faire face à la rigueur de l'hiver, certains animaux ont trouvé des stratégies complètement différentes. Il y en a qui vont migrer pour aller trouver des environnements un petit peu plus cléments au niveau température et disponibilité alimentaire. Et puis il y a des animaux qui, eux, vont rester actifs et qui vont faire face à ces températures rigoureuses. L'exemple classique, c'est le renard arctique qui, lui, est très adapté à ces températures et à ces conditions hivernales, puisque son corps est assez ramassé, il a un museau qui est assez court, il a des oreilles qui sont petites, arrondies, recouvertes de fourrure. La plante de ses pieds est également recouverte de fourrure. Donc pour lui, pour que le froid devienne contrainte, il faut vraiment que ce soit très très froid. Il est capable également de modifier son alimentation pour manger tout ce qu'il va trouver en hiver. Il y a même des primates qui hivernent très peu, mais il y en a quelques-uns. Oui, alors oui, tout à fait. Il y a les microcèpes qui sont des petits lémuriens de Madagascar. Alors c'est un cas un peu particulier parce que c'est pas une question vraiment de température là en l'occurrence, puisque la température extérieure pendant qu'ils sont comme ça peut-être en torpeur ou en inactivité, c'est pas la température qui va jouer. Donc mais c'est un peu différent. C'est la diminution des ressources de nourriture, c'est ça? Oui, je pense. En fait, ils vont accumuler aussi des réserves et se mettre pendant une période en économie d'énergie et être totalement inactifs. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant sur Madagascar, c'est qu'il y a d'autres animaux qui ont cette accumulation de réserves, comme des petits carnivores qui habitent sur place aussi, qui sont endémiques de Madagascar. Là, on ne sait pas du tout, ils ne se mettent pas en repos, mais on pense que c'est peut-être grâce à ces mécanismes que ces animaux ont pu coloniser cette île via, on ne sait pas, des radeaux, des systèmes, etc. Parce qu'il a bien fallu qu'il y ait un moment où ils n'aient pas de nourriture. Donc, c'est quand même un reste probablement de cette histoire évolutive chez ces espèces. En termes d'histoire évolutive, j'ai lu en préparant cette émission qu'il n'était pas totalement impossible ou exclu, sans qu'on en ait de preuves pour le moment, que de très lointains ancêtres à nous, des homininés, aient pu hiberner. C'est possible ça, que des ancêtres, on sait pas exactement à quel moment, hein, on n'a pas de preuves pour le moment, mais c'est une possibilité en termes d'évolution, Fabrice Bertil? Alors je ne sais pas si un jour un homme a effectivement hiberné, ça je ne saurais pas répondre. Tout ce que je sais, c'est que l'organisme humain présente des caractéristiques de l'hibernation dans certaines situations, par exemple la diminution de température qu'on vit tous lorsqu'on dort. Par exemple, ça fait partie de ces restes, de ces vestiges d'un état peut-être ancien où l'homme hibernait. Géraldine Léon. Chez l'homme, je n'en ai aucune idée. Non, mais on n'en sait rien. C'est vraiment des gros points d'interrogation. Ça semble pas impossible. En fait, on a, l'histoire de l'hibernation, elle est probablement très liée avec des périodes de changement climatique important et rapide où il a fallu s'adapter rapidement et l'homme était là, donc pourquoi pas. Et l'homme est également capable d'avoir une dépression métabolique qui ressemble à celle de l'hibernation dans des cas, par exemple, de méditation profonde. Il y a également des mécanismes qui se mettent en place pour répondre à l'hypoxie et qui peuvent ressembler à ce qui se passe au niveau de l'hibernation pour des apnéistes, par exemple. Donc il y a des éléments qui laissent penser qu'effectivement, il y a des mécanismes qui restent... Des traces lointaines. Quelle est aujourd'hui, dans ces différentes stratégies d'adaptation à l'évolution saisonnière du climat, Quelle est la prévalence? Il y a plutôt beaucoup de mammifères qui hibernent. C'est plutôt, ça a été beaucoup sélectionné par l'évolution. Comment est-ce que ça se répartit, Géraldine Aveyron? Mais en fait, il y en a beaucoup dans les régions où c'est d'une certaine manière un peu nécessaire. C'est-à-dire dans les régions tempérées et froides, où il y a des saisons marquées, il y a beaucoup plus d'animaux qui hibernent que dans les régions plus tempérées, enfin plus tamponnées au niveau des températures. La disponibilité de nourriture joue, forcément. Donc globalement, ça concerne... On a l'impression que ça concerne beaucoup d'animaux parce que simplement on fait partie des régions où elles existent. Hein. Il y a des marmottes et des hérissons chez nous, mais les gens qui vivent dans plein d'autres régions du monde n'en ont jamais entendu parler. C'est lié et ça a probablement été quand même lié à ces grandes variations du quaternaire, peut-être même plus anciennes. C'est pas chez les mammifères, on va dire, c'est pas si fréquent que ça, mais il y en a quand même pas mal et qu'on fréquente dans nos pays. Est-ce qu'on a une réponse, Fabrice Bertil, à ce qui fait que ce trait-là a pu être conservé? Pourquoi est-ce que certaines espèces hibernent et pas d'autres? Qu'est-ce qui détermine? C'est juste le climat, c'est juste la position, c'est juste l'écosystème dans lequel ils évoluent? Oui, je pense qu'effectivement, ces animaux-là, ils sont adaptés à leur environnement. L'hibernation pour eux n'est absolument pas une contrainte, donc ça fait partie de leur cycle de vie, tout simplement. Et c'est notamment très lié, et on oublie de le dire ou de le mentionner souvent, au cycle reproductif aussi, par exemple, notamment chez les ours. Alors il y a chez les ours, c'est indéniable puisqu'ils vont mettre bas uniquement pendant l'hibernation. C'est assez très particulier et très intéressant finalement chez l'ours parce qu'ils vont finalement se rencontrer. Les couples d'ours vont se rencontrer pendant l'été et s'il y a fécondation. Le développement de l'œuf va se bloquer à un stade assez précoce et il n'y aura implantation de cet œuf dans l'utérus de la femelle ours que si elle accumule suffisamment de réserves, que si elle va hiberner et que tout se passe bien au bout de 2 mois de l'hibernation, la gestation va démarrer. Et elle sera suffisamment courte pour donner naissance à de tout petits oursons. De 300 grammes à peine. Voilà, de environ 300 grammes jusqu'à 400 grammes chez l'ours brun. C'est beaucoup plus petit, par exemple, chez le panda. C'est 150 grammes à peu près. Et ça, c'est une adaptation tout à fait bien pensée par la nature parce que faire naître un jeune aussi petit, ça coûte très peu d'énergie en lactation. La lactation est très coûteuse en énergie, mais nourrir finalement un tout petit comme ça, c'est moins coûteux. Il y a d'autres espèces, Géraldine Aveyron, qui ont vraiment lié, comme l'ours, à ce point-là, leur cycle d'hibernation avec leur cycle reproductif. Alors, je ne sais pas chez les autres hibernants, j'avoue que je me demande, j'avoue que je ne sais pas, parce que je ne les connais pas bien, c'est beaucoup de rongeurs, hein, les autres hibernants qu'on connaît bien chez nous. Et j'avoue que je ne sais pas s'ils ont le même mécanisme, je dirais que non, mais ce n'est pas le même cycle de vie. Il faut voir que chez l'ours, cette gestation, même si elle est en partie pas une vraie gestation, puisque l'œuf est en dormance, en attente, et c'est très long, ce sont des très gros animaux. Donc chez les rongeurs qui hibernent ou chez les hérissons, je pense que le cycle est tellement différent que ça ne doit pas être comparable, mais j'avoue que là, je ne sais pas bien. Alors ça dépend, parce qu'il y a des animaux qui vont quand même hiberner pendant 11 mois de l'année. Donc pour eux, forcément... Comme quels animaux, par exemple? Vous citiez les loirs tout à l'heure, les loirs sont pas loin d'être à 11 mois de l'année. Donc pour eux, effectivement, ça, le mois d'activité est une course contre la montre pour accumuler des réserves, pour assurer la reproduction et tout le reste. Et tout le reste. La méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h15, nous parlons donc d'hibernation en cette fin d'hiver extrêmement clémente. Nous en parlons avec Géraldine Aveyron et Fabrice Bertil. Alors, on a dit que l'hibernation n'est pas initiée uniquement par la baisse des températures, mais par tout un ensemble de facteurs endogènes et exogènes, la diminution des réserves alimentaires. Et on pourrait dire également aussi qu'il n'y a pas une seule hibernation, Géraldine Aveyron, mais différentes formes d'hibernation en fonction des espèces. Ça peut recouvrir finalement des réalités, même si le principe reste le même, très très distinctes. Oui, tout à fait. En fait, c'est aussi pour ça que certains utilisaient un terme d'hibernation dans certains cas, d'hibernation dans d'autres. Il y a d'autres termes aussi que la torpeur. Enfin, voilà. Alors, la différence, elle était principale, notamment chez les ours, que l'hibernation impliquait une baisse très forte de température. et de toutes les autres fonctions, hein, la respiration baisse, le rythme cardiaque baisse, etc. Mais que chez l'ours, cette diminution de température, elle est bien moindre, elle est que de quelques degrés, alors qu'une marmotte, par exemple, qui hiberne, va être de 4 à 7 degrés. Enfin, c'est vraiment très froid, hein, c'est comme dans notre frigo, donc c'est quand même quelque chose de très très froid. Et c'est pas le cas chez l'ours. Donc on voyait cette différence. L'ours, c'est 32 degrés. Hein. Voilà, l'ours, il va juste baisser un tout petit peu sa température. En plus, on savait que les ours pouvaient bouger dans leur tanière. Voilà. Et donc, on avait l'impression que c'était peut-être moins profond comme sommeil, entre guillemets. Et en fait, les modifications physiologiques, elles sont extrêmement importantes aussi chez l'ours. Donc, faire ce distinguo était peut-être pas, à mon sens, très, très justifié. Par contre, on sait qu'il y a des animaux qui... qu'on peut appeler des hibernants vraiment facultatifs, qui eux, vraiment, c'est uniquement quand il y a un gros manque de nourriture qu'il va y avoir ce phénomène. Donc là, c'est quelque chose d'un peu différent. Effectivement, le processus physiologique va être un peu différent. Fabrice Bertil, sur ces différentes formes, c'est très différent l'hibernation chez l'ours que chez une marmotte ou chez un hérisson. Oui, moi je considère également qu'il y a différentes formes d'hibernation. Je les appelle toutes hibernation, mais toutes les situations sont différentes parce que la durée va changer. La température d'hibernation va changer. On parlait de l'ours à 32-35 degrés, de la marmotte à 4-7-10 degrés. Et puis les spermophiles, par exemple, qui vont être à 1 ou 2 degrés en général, avec des températures records, mais qui ont même été enregistrées en température centrale à moins 2,7 ou moins 2,9, je ne me rappelle plus. De température corporelle, on parle bien de la température corporelle. Donc, toutes ces situations sont extrêmement différentes en termes de température corporelle, en termes de durée de l'hibernation, mais il y a beaucoup de ressemblances aussi, en termes de dépression du métabolisme. Alors, c'est quoi par exemple ? Alors, parlons un peu de ce qui se passe justement pendant l'hibernation. C'est quoi la dépression du métabolisme ? C'est une diminution de la consommation d'oxygène, donc une diminution de la dépense d'énergie, pour en économiser, tout simplement. Chez les spermophiles, justement, elle peut atteindre 95-99% de ce qu'elle est à l'état actif. Chez l'ours, elle est de 75%, donc elle est moindre. Mais quand on considère cette très faible diminution de température, sachant que les deux éléments, les deux paramètres sont liés, ça veut dire qu'on découple la diminution du métabolisme de la diminution de la température. Donc il y a vraiment des mécanismes actifs qui restent à découvrir, qui vont permettre cette économie d'énergie. Diminution du rythme cardiaque, on en a parlé. Diminution du rythme respiratoire, on en a parlé également. Au niveau des différences, l'ours, il va rester pendant ces 4 à 7 mois complètement inactif, sans manger, sans se réveiller, sauf pour ce qui est des femelles gestantes, sans déféquer, sans uriner. Sans excréter, oui. Alors que beaucoup des petits mammifères hibernants vont de manière régulière, intermittente, se réveiller pour faire plusieurs choses, pour s'alimenter pour certains, pour dormir. Parce que l'hibernation n'est pas un sommeil, ce n'est pas un éveil, ce n'est pas un sommeil, donc ils ont besoin de dormir quand ils se réveillent. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et puis pour aller uriner également et éliminer tous ces déchets qui s'accumulent et qui pourraient être toxiques pour l'organisme. Bien sûr. Et dont on va reparler. C'est intéressant ça, l'hibernation, ça n'est pas un sommeil. Les animaux, contrairement à ce qu'on dit, c'est autre idée reçue, ne dorment pas du tout en fait. Non, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est un processus physiologique particulier, un changement du métabolisme particulier, et effectivement, les gens ont l'impression que les animaux vont juste dormir, mais si c'était le cas, leur respiration serait normale. Et là, il y a vraiment tout un mécanisme qui se met en place. Alors, comme la différence qui était indiquée là, qui est crucial chez l'ours, c'est de ne pas uriner, déféquer. Ça veut dire qu'il y a tout un processus physiologique qui se met en œuvre, qui est complètement différent de celui de l'ours actif, pour recycler l'urine, les protéines, etc. Ce qui est quand même vraiment très, très spectaculaire comme changement physiologique. On va revenir sur ces changements un par un, parce qu'effectivement, c'était des changements dont on imagine que le moindre d'entre eux conduirait immédiatement à la mort, ne serait-ce que chez nous. On peut rappeler que pour les mammifères non hivernants, comme nous, passer un certain degré de température, le cœur s'arrête simplement. On tombe en hypoxie, on arrête de respirer, les organes s'arrêtent et on meurt. Ah oui, c'est clairement, l'homme ne pourrait pas supporter un état d'hypoxie et d'hypothermie prolongée. En dessous de 28 degrés, c'est fini, c'est ça ? Oui, voilà, à peu près. L'arrêt cardiaque va se produire très rapidement, alors qu'un ours, lui, tous les hivers, va être en état d'insuffisance cardiaque. Donc il peut... non seulement la fréquence va diminuer fortement, mais en plus, il va y avoir de l'arythmie. En plus, il va y avoir une diminution du flux sanguin. Il y a des images qui ont été prises en échographie cardiaque et qui ont été montrées à des chirurgiens par nos collègues danois. Et les chirurgiens qui ne savaient pas qu'il s'agissait d'un ours envisageaient de transplanter la personne. Donc, et pourtant, au printemps suivant, au réveil suivant, tout se passe bien. L'ours a récupéré son cœur en très bon état. On va revenir également sur ces phénomènes de réveil qui sont très spectaculaires et souvent d'ailleurs incroyablement rapides. On le disait tout à l'heure, Géraldine Véron, à part pour certaines populations d'ours, parce que je crois qu'il y en a quand même certaines qui se réveillent un peu, ou c'est tous les ours qui se réveillent pas du tout pendant l'hibernation ? Bah, non, pour moi, les ours, en fait, c'est pour moi, en tout cas chez l'ours brun, les femelles gestantes entrent en hibernation. Au moment de la mise bas, elles vont se réveiller. Ça, on le voit par un pic de température. Et puis, une fois que les jeunes sont nés, il va y avoir à nouveau une chute de la température et une reprise de l'hibernation. Et tous les paramètres qu'on enregistre à ce moment-là sont ceux de l'hibernation, ont les valeurs de l'hibernation. Pour les autres espèces, il y a donc effectivement des phases de réveil, parfois toutes les quelques jours, parfois toutes les quelques semaines, ça dépend. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que ces phases de réveil, elles sont manifestement essentielles parce que finalement, ce sont elles qui consomme le plus d'énergie qui a été accumulée avant d'entrer en phase d'hibernation. Oui, elles sont cruciales. Jusqu'à 80% de l'énergie accumulée sont liées aux phases de réveil. Mais effectivement, comme elles n'ont pas ces processus physiologiques et ces mécanismes qu'ont l'ours, elles n'ont pas trop le choix, effectivement, d'éliminer les déchets, etc. Donc c'est une balance, je pense, entre risque et bénéfice pour les animaux qui le font. Hein. Alors avant l'hibernation, on va essayer de suivre un peu un cycle d'hibernation pour comprendre comment ça se passe. Avant l'hibernation, il y a donc cette accumulation de réserves qu'on appelle la phase de pré-hibernation. En quoi ça consiste exactement? Fabrice Vertil. Alors effectivement, il s'agit ici d'accumuler des graisses. Il faut accumuler des graisses qui vont permettre à l'organisme de fonctionner malgré tout pendant des mois. Donc c'est une période de consommation alimentaire excessive. Chez les ours en Scandinavie, par exemple, eux, ils vont manger énormément de baies qui sont très sucrées, très riches en sucre, et ils vont ingérer comme ça jusqu'à 20 000 kilocalories par jour. Il faut se rendre compte de ce que c'est 20 000 kilocalories par jour. C'est 10 fois ce qui est recommandé pour un homme. C'est 2500 calories par jour pour un homme. Et ils font ça tous les jours. Dans les autres régions du globe, c'est pas forcément des baies. Il y a des ours bruns, il y en a dans tout l'hémisphère nord. Donc il n'y a pas des baies riches en sucre dans tout l'hémisphère nord. Mais il y a des animaux qui vont manger des saumons, par exemple. Ou des poissons gras. Des poissons gras, etc. Donc de toute façon, ils sont opportunistes. Donc ils vont prendre tout ce qu'ils vont trouver. Et alors justement, ça commence à poser des questions, c'est-à-dire que se dire que n'importe quel être humain ou n'importe quel être normalement constitué, quand on ingère ce type de quantité de nourriture-là, ça devrait donner lieu à des problèmes de digestion, à des problèmes cardiaques, à des problèmes d'accumulation de graisse, à des problèmes de diabète. Non seulement ça devrait déclencher ça, mais il faut bien se rendre compte que les ours le font chaque année, c'est-à-dire que eux, ce qu'on appelle l'effet yo-yo, ils le vivent tout au long de leur vie. Ils deviennent obèses. Ils perdent toute leur graisse, ils deviennent obèses, ils perdent toute leur graisse. Et effectivement, ils sont en parfaite santé, ils sont parfaitement adaptés à ces variations importantes de la masse grasse, sans développer de pathologie, donc des pistes potentielles pour comprendre comment on pourrait aider à traiter l'obésité, par exemple. On a aujourd'hui des explications. Que dit la directrice scientifique à ce niveau sur l'accumulation de réserves, notamment sur la non-apparition de pathologies de type diabète de type 2? Alors, on n'a pas vraiment de données pertinentes sur ce sujet-là. On commence à avoir un certain nombre de résultats sur d'autres problèmes que celui-là. Moi, je travaille pas directement sur ce problème de l'accumulation de graisse. Je travaille plutôt sur le côté musculaire de la préservation des muscles de l'ours. On parlait du côté cardiovasculaire tout à l'heure. Les autres muscles sont également importants. Et c'est plus cela que je connais. On va revenir parce qu'évidemment, rester 4, 6 mois, 7 mois allongé sans activité et sans la fonte musculaire qui est celle qu'on peut constater pour des personnes qui sont par exemple hospitalisées, qui sont alitées, qui sont immobilisées et où les muscles disparaissent très vite, ça ne se passe pas pendant l'hibernation. J'aimerais qu'on reste un peu sur cette accumulation de réserves parce que du coup on distingue chez les animaux qui hibernent deux types de tissu adipeux, le tissu brun et le tissu blanc. Qui peut m'expliquer un peu la différence entre les deux, Géraldine Véron? Je ne suis pas physiologiste, donc je ne connais pas ça très bien, mais disons qu'il y en a un qui est effectivement celui qu'on va retrouver et qui peut protéger, par exemple, les bébés d'une hypothermie. Donc c'est quelque chose qui peut être mobilisé, c'est ça, dans certains cas de stress physiologique, si je me souviens bien. Mais je ne suis pas physiologiste, alors je vais laisser le... Fabrice Bertil. Alors le tissu adipeux blanc, c'est le tissu adipeux classique dont tout le monde parle. C'est la réserve de graisse. C'est le sac dans lequel on met ses courses et qui vont servir à alimenter l'organisme dès qu'il y aura un besoin qui n'est pas couvert par l'alimentation. Depuis maintenant 10 ou 15 ans, c'est également un tissu qu'on sait être émetteur, producteur, sécréteur d'une foule d'hormones. Donc, il va réguler aussi, à un sens plus large, toute la physiologie de l'organisme. Le tissu adipeux brun, il accumule également des lipides, pas de la même façon, donc pas des grosses vacuoles lipidiques, plutôt des petites vacuoles lipidiques. Mais le tissu adipeux brun, lui, il a une particularité, c'est qu'il va être extrêmement riche en petits organites, donc des petits éléments qu'on va retrouver dans les cellules, qu'on appelle des mitochondries. D'accord ? Et ces mitochondries du tissu adipeux brun possèdent une protéine bien particulière à ces mitochondries de tissu adipeux brun qu'on appelle la protéine découplante et qui en fait va permettre de produire de la chaleur. On sait que les mitochondries sont un peu les centrales énergétiques des cellules, donc ceci explique aussi cela. Voilà. Et cette protéine, au sein de la centrale énergétique, permet de gaspiller l'énergie, entre guillemets, donc de produire de la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on entendait parler juste avant, par Géraldine, de production de chaleur chez les nouveau-nés. Pour protéger les nouveau-nés, on sait aujourd'hui, depuis quelques années, que ce tissu adipeux brun, qu'on pensait être présent uniquement chez les nouveau-nés des mammifères, est présent également chez l'adulte. On sait qu'il est moins actif chez l'obèse, par exemple. On sait qu'il est activable par le froid. Les nouvelles méthodes d'imagerie ont permis de le redécouvrir chez l'adulte humain depuis 4, 5, 6 ans. Donc voilà à quoi sert le tissu adipeux brun. Chez l'ours, on a essayé de le chercher et on n'a pas réussi à en trouver. On est allé chercher dans les différents endroits où le tissu adipeux brun est connu pour se trouver, se localiser chez tous les autres organismes. Chez l'ours, on n'en a pas trouvé. Le tissu adipeux qu'on a collecté ressemblait à du tissu adipeux blanc partout. D'accord. Donc ce qui pose encore de grandes questions, on va voir qu'il reste encore beaucoup de points d'interrogation autour de ces mécanismes d'hibernation. Il y a énormément de points d'interrogation. Maintenant, l'ours, effectivement... il hiberne à 32-35 degrés, donc il n'a pas un besoin extrême de produire de la chaleur dans cette situation-là. J'ai lu aussi, et là j'aimerais vous soumettre ça, que justement, puisque toute cette énergie accumulée, elle est accumulée sous forme de tissu adipeux, elle est donc accumulée sous forme d'acide gras et de lipides, du coup, en phase d'hibernation, le mécanisme justement de transformation d'énergie cellulaire, justement, n'utilise plus comme nous et comme tout un chacun des glucides, mais se sert des lipides à la place, c'est vrai ? C'est tout à fait une particularité de l'hibernation. On mobilise les réserves énergétiques lipidiques par ce qu'on appelle la lipolyse, qui va libérer dans le sang les éléments unitaires qu'on appelle les acides gras et qui, eux, vont être les fuels énergétiques, finalement, de toutes les autres cellules de l'organisme. Donc là, évidemment, en hibernation, c'est comme ça qu'un organisme fonctionne. Et là encore, il y a des petites différences avec l'ours. Puisque chez l'ours, nous, ce qu'on a observé, c'est que les réserves musculaires en sucre sont également augmentées. Donc là, ça c'est quelque chose de complètement paradoxal, qui n'existe pas forcément chez les autres hibernants. On a observé que dans le muscle de ces ours-là, par exemple, la consommation en sucre est maintenue. Alors que qui n'est pas du tout la même situation que chez les petits hibernants. Parce que chez les petits hibernants, forcément, comme toute l'activité métabolique est extrêmement dégradée, extrêmement réduite, finalement, il y a très très peu de consommation énergétique au niveau cellulaire. Il y a peu de consommation, et cette consommation, elle est liée aux lipides exclusivement. Chez l'ours, elle est liée aux lipides, mais il y a également quelque chose qui se passe au niveau des sucres. Géraldine Véron, sur ces systèmes, parce que là on parle vraiment de d'organismes complexes qui change de fonctionnement radicalement. C'est-à-dire que d'un seul coup, vraiment, l'ingénierie cellulaire se transforme complètement pendant toute cette période-là, change de fuel, change de carburant, n'utilise pas les mêmes choses, ne met plus en réserve et en branle les mêmes mécanismes. On est vraiment sur une autre forme de fonctionnement, finalement. Oui, ça, c'est un peu tout ce qu'on vient d'expliquer. Il se met en place tout un mécanisme différent. Alors effectivement, la différence qu'on a mentionné plusieurs fois sur l'histoire de la température entre l'ours et les petits mammifères, elle peut être expliquée par sa taille, probablement, parce que autant ça prend beaucoup d'énergie pour réchauffer un organisme, et on imagine bien que le facteur taille chez l'ours est un facteur probablement limitant pour ça, et qu'il a fallu qu'il trouve un autre système. C'est probablement pour ces raisons-là qu'il a une hibernation un peu différente des autres, notamment des petits, parce qu'en fait, dans les autres hibernants, ce sont souvent des petites bêtes, hein, bizarrement. C'est souvent, c'est-à-dire en taille, vous voulez dire ? Bah, en taille, oui, oui. Il y a plutôt voilà, des petits rongeurs, quand même, principalement. Bon, le hérisson, enfin, un certain nombre d'insectivores. Mais c'est vrai qu'après, on passe à l'ours. Et entre les deux, ce n'est pas les mêmes mécanismes parce que c'est, voilà, c'est pas la même taille non plus. Et justement, sur ces petits rongeurs, donc ce sont ces petits rongeurs dont l'hibernation est moins, finalement, calme que celle de l'ours. Il y a plus de réveil. Il y en a un certain nombre qui constituent, quand ils le peuvent, des réserves alimentaires extérieures, c'est-à-dire qu'ils se réveillent pour manger à nouveau. Les systèmes d'excrétion, d'urine, de défécation ne sont pas tout à fait les mêmes. Comment ça se passe, Géraldine? En fait, là, il n'y a pas besoin de la même manière pour ces histoires de recyclage de déchets, etc. On sait quand même qu'il y a, voilà, il y a un système qui est un peu le même, dans le sens où il y a une forte accumulation de nourriture avant l'entrée en hibernation. On sait, par exemple, un hérisson, il va avoir perdu à peu près 30% de son poids quand il va se réveiller, ce qui est quand même beaucoup. Donc, il y a quand même tous ces processus. Ils vont se mettre en métabolisme très réduit, hein. Le cœur va battre vraiment quelques battements par minute. Enfin, c'est vraiment très très fortement modifié. Voilà, mais il y aura tout un mécanisme qui se met en place chez les ours pour le recyclage des protéines, etc., qui n'est pas nécessaire là, puisqu'ils vont excréter. Après, moi, je ne suis pas physiologiste, je ne connais pas très, très bien le détail aussi chez ces petits mammifères, mais on imagine bien que là, l'accumulation de cette nourriture, ces graisses vont servir comme fuel. Ils ne vont pas se réveiller non plus tous les jours, puisqu'un réveil chez ces animaux-là, pour remonter en température, ça prend quand même plusieurs heures. Juste la remontée en température. On ne parle pas du réveil définitif, hein, mais à chaque fois qu'ils ont besoin de se réveiller pour uriner ou autre, ça prend plusieurs heures, donc c'est pas et beaucoup d'énergie, donc c'est pas quelque chose qu'ils vont non plus faire. Il ne faut pas imaginer qu'ils se réveillent toutes les 5 minutes. Hein. Ich komme schon durch manche Land, avec la marotte, und immer was zu essen fand, avec la marmotte. Avec si, avec la marmotte, avec si, avec la marmotte. Ich hab gesehen gar manchen Herrn, avec la marmotte, der hätt die Jungfern gar zu gern, avec la marmotte, avec si, avec la marmotte, avec si, avec la gesehen die Jungfrau schön avec la marmotte, die täte nach mir kleinem Sinn avec la marmotte, avec si, avec la marmotte, avec si, avec la marmotte. Lasst mich nicht so gehen, ihr Herren, avec la marmotte. Die Burschen essen und trinken gern, avec la marmotte. Avec si, avec la marmotte. Avec si, avec la La marmotte, c'est Beethoven qui est ici interprété par Dietrich Fischer. Dis-KO, puisque nous parlons d'hibernation tout au long de cette heure en compagnie de Géraldine Véron, qui est professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle et membre de l'Institut Systématique, Évolution et Biodiversité, avec Fabrice Bertil, qui est chargé de recherche CNRS dans l'équipe spectrométrie de masse bioorganique à l'Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg. Alors on va continuer à examiner un peu ces étranges phénomènes en termes de biologie cellulaires et de mécanismes cellulaires qui nous conduiraient tous directement à une mort certaine, notamment sur, on l'a dit, on a parlé de l'évacuation des déchets, mais justement, Fabrice Bertil, l'ours qui ne se réveille pas du tout pendant 4, 5, 6 mois en fonction des espèces, parfois 7. Que se passe-t-il ? Il a trouvé en fait une sorte de voie de recyclage de l'urine. Il a forcément trouvé une façon effectivement de recycler les éléments toxiques de l'urine. Parce que l'urée est un poison, on le sait, c'est pour ça qu'on l'urée est un poison, et c'est pas forcément le seul. Donc il faut le recycler. Donc forcément, il a trouvé comment le recycler. On n'en connaît pas les mécanismes, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, on ne sait pas à quel niveau ça se passe, mais ça ne peut pas fonctionner autrement. C'est pas possible. Donc encore des mécanismes à découvrir ici, mais on les connaît pas. C'est pareil pour, alors on l'a dit, pour les petits rongeurs en général se réveillent pour excréter, mais pour les fesses, pour chez l'ours, pareil, il n'y a pas de défécation du tout pendant toute la durée de l'hibernation. C'est ce qu'on dit en général, voilà, qu'il n'y a pas de défécation du tout. Alors, il se trouve que de temps en temps, on arrive à retrouver quand même des fesses dans une tanière au printemps. Pas dans toutes les tanières et pas de manière systématique. On ne sait pas vraiment à quel moment ça peut intervenir. Hein. Ça peut intervenir au moment tout simplement où l'ours est rentré dans sa tanière. Ça, on n'en a absolument aucune idée. Mais le fait est que pendant 7 mois, effectivement, il ne se passe rien à ce niveau-là. Et ça, ce sont des mécanismes donc pour le moment qui sont encore relativement mystérieux. C'est complètement mystérieux, mais de toute façon, le système intestinal est un système très plastique, donc il doit régresser pendant une bonne partie de l'hibernation pour ensuite reprendre ses droits un petit peu avant la sortie de la tanière, la sortie d'hibernation et pouvoir manger à nouveau. Donc c'est pas forcément étonnant qu'à ce niveau-là, pour un organisme qui reste endormi, entre guillemets hibernant, aussi longtemps, il ne se passe rien. Parmi les autres questions qui se posent, il y a, donc on l'a dit, hein, la respiration est ralentie. Alors certes, le rythme cardiaque aussi, mais néanmoins, avec le ralentissement de la respiration, le taux de CO2 sanguin pour tous ces animaux-là est quand même nettement plus élevé. Comment est-ce que ces animaux survivent à ce qui serait pour nous autres ou pour des personnes, pour des populations qui n'hibernent pas, une acidose, une acidification du sang, puisque le CO2, le fort taux de concentration de CO2 dans le sang a tendance à faire baisser le pH. Oui, l'ours est rempli de contradictions et de mécanismes fascinants de ce genre-là. On parle souvent d'hypoxie quand on parle de l'ours, de manque d'oxygène. Beaucoup n'y croient pas et le problème, effectivement, comme vous venez de le dire, se placerait plutôt au niveau de l'hypercapnie et du fait que dans la tanière, une tanière d'ours, c'est quelque chose de très rustique et de très petit. Donc la concentration déjà de l'air en CO2 peut devenir très très très importante. Mmh. Oui, parce qu'il n'y a pas de renouvellement, que c'est quasiment clos. Et ensuite dans le sang, comme vous le disiez. Mais là aussi, c'est des gros points d'interrogation. Voilà. Géraldine Véran, parce que c'est la même chose du coup pour les petits mammifères, pour les petits rongeurs. Oui, bah il réduit ce métabolisme. En même temps, voilà, ce fonctionnement-là peut-être fait que. Ils n'ont pas non plus un environnement particulièrement riche puisque tout est réduit, mais effectivement, on ne sait pas trop bien comment ça fonctionne. Alors, enfin, du coup, autre question. En fait, je ne fais que poser des questions auxquelles, pour le moment, on n'a pas beaucoup de réponses. Mais si, parce que vous avez travaillé là-dessus, Fabrice Bertil. On parlait tout à l'heure de la réduction musculaire. Là, vous avez publié récemment des papiers, des travaux là-dessus. Normalement, bon, donc on le sait tous, hein, quand on reste, et même nous qui sommes des populations sédentaires, assis toute la journée à notre bureau sans faire de sport, eh bien, la masse musculaire, petit à petit, elle fond parce qu'elle est de moins en moins utilisée. Donc, imaginez rester allongé pour des gens qui ont eu des grandes fractures ou qui ont dû rester alités pour cause de maladie pendant longtemps, on sait qu'on perd très vite de la musculature, que ça va très vite, c'est-à-dire que le corps naturellement va aller chercher dans les cellules musculaires l'énergie dont il a besoin pour continuer à fonctionner. Qu'est-ce qui se passe ? De manière complètement naturelle, chez l'homme, on dit qu'à partir de 25, 30, 35 ans, de toute façon, on commence à perdre du muscle. Alors on peut lutter un petit peu contre ça en faisant de l'exercice, mais c'est un fait. On perd du muscle à partir de 25-30 ans. Et ça jusqu'à 70-75 ans, sans arrêt. L'ours, lui, il est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'au bout du premier mois d'hibernation, il a déjà perdu environ, on va dire, 15% de sa masse musculaire. Et ce qui est remarquable, c'est que dans les 4 mois qui suivent, la perte, elle est maintenue à 15%. Donc lui, il est capable de rester totalement inactif et sans manger sans perdre de muscles. Deux situations dans lesquelles l'homme perdrait plus de la moitié en 3-4 mois de sa force musculaire et une quantité non négligeable de sa masse musculaire également. Il ne faudrait pas aller trop loin non plus, parce qu'on dit que si on perd environ la moitié de ses protéines et de sa masse musculaire, ça peut devenir létal. Donc bien sûr, on n'a pas de chiffres forcément à donner pour l'homme à ce niveau-là, mais ce que réussit à faire l'ours, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on a une idée des raisons qui expliquent cette conservation de la masse musculaire, ou là aussi, est-ce que c'est un grand point d'interrogation ? Alors, nous, c'est justement notre sujet de recherche. On essaie de comprendre quelles sont les stratégies, quels sont les mécanismes d'épargne musculaire chez l'ours, et comment on commence à avoir quelques pistes. On parlait tout à l'heure du métabolisme, du fait que les cellules musculaires d'un ours sont capables de continuer à maintenir le métabolisme des sucres, ce qui explique probablement également au passage le fait qu'un ours, quand il est surpris et réveillé, est capable de courir pendant 1 ou 2 kilomètres sans s'arrêter et sans absolument aucun problème, ce que les autres hibernants ne peuvent pas forcément faire. Un ours qui sort est directement opérationnel à ce niveau-là, donc le métabolisme des sucres en fait partie. La régulation de toutes les molécules qui vont permettre la synthèse et la dégradation des protéines musculaires est également importante. Et là, il y a une grande différence avec l'homme, c'est que dans une situation comme celle-ci, donc je le rappelle, jeûne et inactivité physique, chez un homme, la synthèse de protéines musculaires, donc la fabrication de muscles est diminuée, mais on continue toujours à dégrader du muscle. D'où le fait qu'on ait une atrophie, une fonte des muscles musculaires chez l'homme inactif. Chez l'ours, on a également, dans cette situation-là, une diminution de la synthèse, de la fabrication des protéines musculaires, mais on a également une diminution de la dégradation de ces protéines. Donc on a un relatif maintien de l'équilibre qui explique le maintien de la masse musculaire chez l'ours. Ces mécanismes, par ailleurs, on sait qu'ils sont très liés au froid, ça a été étudié, c'est-à-dire qu'on sait qu'au général, l'activité enzymatique et la production de protéines s'effondrent au fur et à mesure que la température baisse. Alors je sais que vous n'êtes pas physiologiste, mais ce sont des mécanismes, en tout cas, qu'on constate en biologie chez à peu près toutes les espèces vivantes. C'est général, oui. Et en fait, c'est une question presque de balance, en fait, entre dégradation et fabrication. Et je crois que c'est la même chose, d'ailleurs, pour le squelette aussi de l'ours, qui ne se dégrade pas comme nous on aurait dans les mêmes circonstances. C'est pareil, je crois que c'est aussi un peu une balance dans ce genre de fabrication et destruction qui se rééquilibre pour que ça fonctionne, et que ça se maintienne. Sur la décalcification. C'est très intéressant. Alors c'est une balance et la relation avec la température, elle est vraie chez tous les organismes, mais là, on excède cette relation. On va au-delà de cette relation. La diminution de température, elle est loin d'expliquer l'efficacité de préservation des muscles, par exemple, ou de l'os, par exemple, et elle est loin d'expliquer le niveau d'activité des enzymes. Parce qu'il faut expliquer que le niveau d'activité des enzymes, il y a des courbes qui l'expliquent très bien. Le niveau d'activité des enzymes, à partir quand il fait trop froid, ça marche pas. Quand il fait trop chaud, ça marche pas. Il y a une sorte de courbe intermédiaire qui est normalement la température corporelle classique que l'on trouve chez la plupart des êtres vivants qui a sang chaud et qui est la température idéale de fonctionnement des enzymes. Oui, les enzymes, le niveau d'activité des enzymes est fonction de la température, ça c'est indéniable. C'est-à-dire que si la température diminue, le niveau d'activité de l'enzyme va suivre et va diminuer. Chez l'ours, le niveau d'activité des enzymes excède cette très faible diminution de température. Donc cet effet classique chez tout organisme actif ne suffit pas à expliquer ce qui se passe chez l'ours. Il y a une dernière chose, une dernière énigme que je vais vous soumettre. Finalement, ça aurait été l'émission de toutes les énigmes, c'est-à-dire de toutes les questions auxquelles on a peu de réponses. Mais alors, peut-être une question avant, et puis on posera une question plus générale après, mais au niveau génétique, apparemment, plus l'hibernation est longue, et plus long les télomères restent. Les télomères, vous savez, ce sont ces petits bouts d'ADN à la fin des chromosomes qui, à chaque division cellulaire, se raccourcissent et qui seraient l'une des explications des mécanismes du vieillissement. Or, on a constaté que chez les ours, justement, qui hibernent moins longtemps, les signes de vieillissement apparaissent plus rapidement. Alors, les télomères, la longueur des télomères est sensible à énormément de choses. Ça, donc c'est très difficile à interpréter. Il y a effectivement des effets entre durée de l'hibernation et taille des télomères qui ont été observés, comme vous venez de le dire. Je pense qu'on n'a pas, encore une fois, le fin mot de l'histoire sur ce que ça veut dire et ce que ça veut dire au niveau du vieillissement. En tout cas, on sait que le vieillissement cellulaire est ralenti, effectivement, pendant l'hibernation. Ça, par contre, c'est connu. Alors, la question plus générale, c'est comment se fait-il aujourd'hui que ces mécanismes d'hibernation, qui se retrouvent pourtant chez tant d'espèces, soient encore aussi étrangers et inconnus à beaucoup d'égards, et notamment en termes de mécanismes cellulaires, puisqu'on va dire dans un instant que toutes ces mécaniques-là, elles peuvent intéresser en termes d'application, cette recherche fondamentale, cette recherche en éthologie peut vraiment intéresser pour des applications LM, on va voir notamment en matière chirurgicale. Janine Véron. Je pense qu'il y a eu des années d'études de physiologie, enfin de choses qui pouvaient intéresser notamment la médecine humaine, où on a utilisé plutôt ce qu'on appelle des modèles animaux assez réduits, et que finalement, l'expérience avec les ours, et probablement, j'imagine, avec les autres espèces qui doivent être étudiées également, montre bien que avoir accès à des espèces qu'on appelle non-modèles, c'est-à-dire pas rats-souris, permet de découvrir des phénomènes différents, et que c'est encore on va dire une pierre à l'édifice d'essayer de préserver la biodiversité, puisque au sein de cette diversité animale, on peut trouver des solutions physiologiques, des énigmes physiologiques ou des tas de mécanismes qu'on n'aurait pas imaginé en étudiant des choses plus faciles à élever en laboratoire. Alors ça a des implications, hein. J'imagine qu'elle est au fin fond de la Suède pour étudier des ours. C'est très très compliqué, très très lourd à mettre en œuvre. Bon, c'est important parce que ces ours sont suivis de toute façon pour plein d'autres raisons. Donc finalement, faut pas effrayer les gens. Hein, ils vont pas juste les embêter que pour ça. C'est très important de suivre ces populations et de mieux les connaître. Donc voilà, d'en profiter pour faire ces choses-là. C'est sûr que c'est plus complexe que d'étudier une souris de laboratoire. Mais ça vient vraiment de là, je pense, d'accéder à des espèces autres qui ont des tas de choses à nous raconter et qui peuvent nous intéresser en dernier lieu. Fabrice Berthel, vous qui revenez, qui étudiez justement ces processus d'hibernation, comment est-ce qu'on étudie un ours qui hiberne? C'est quand même des gros animaux, donc qui peuvent être potentiellement un peu dangereux, qui doivent pas vraiment beaucoup aimer être réveillés. Comment est-ce que vous procédez? Oui, c'est effectivement pas forcément anodin d'aller déranger ces animaux-là dans leur milieu naturel. On a la chance de collaborer avec une équipe scandinave qui doit représenter le plus gros consortium mondial travaillant sur des carnivores sauvages actuellement et qui suivent les populations d'ours depuis les années 80. Donc on est entouré de personnes qui savent capturer des ours, on est entouré de vétérinaires. On a toute une infrastructure qui permet de capturer les ours avec un respect total de l'animal, avec tous les garde-fous concernant la sécurité du personnel naturaliste, scientifique qui peut se greffer sur ces sessions de capture. Donc toutes les mesures sont prises, les animaux sont suivis de toute façon tout au long de l'année. Sur des animaux qui portent des colliers, des balises GPS. Voilà, les animaux ont des colliers qui permettent de les repérer, qui permettent depuis le laboratoire de savoir où ils sont, où ils recherchent de la nourriture, de savoir où est leur tanière, tout simplement parce qu'il faut retrouver la tanière en hiver. On a l'infrastructure humaine et on a l'infrastructure technologique pour les retrouver. Et puis une fois en hiver, par exemple, on va une fois qu'on a découvert où était la tanière, qu'on a creusé pour ouvrir l'ouverture, l'animal va être anesthésié directement dans sa tanière alors qu'il hiberne encore. En été, c'est un petit peu différent et la logistique est également compliquée parce que effectivement, on peut toujours localiser les animaux avec leur collier, mais les animaux sont actifs, ils peuvent être absolument n'importe où. Donc là, c'est depuis un hélicoptère qu'il faut anesthésier les animaux avant de pouvoir éventuellement les échantillonner et faire toutes les mesures nécessaires. Et comment est-ce que vous procédez justement pour étudier précisément les mécanismes d'hibernation? C'est-à-dire quand ils sont en train d'hiberner, j'imagine qu'il ne faut pas les réveiller, donc comment est-ce que ça se passe? Forcément, on va les déranger. On dérange très peu d'animaux par an, mais forcément, on va les déranger. Comme ils sont suivis de toute façon, on constate, puisqu'on fait ça depuis des années, qu'un animal qu'on a dérangé va retourner en hibernation. Un jour, deux jours après. Il va forcément se réveiller, il va forcément se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas normal. Certains vont simplement se retourner et poursuivre leur hibernation dans un certain nombre de cas, puisqu'on les replace dans leur tanière et on referme la tanière précautionneusement. Donc certains, ça leur convient, ils continuent leur hibernation dans leur tanière. Pour certains autres, ils vont sortir et ils vont chercher un autre endroit. considérant sans doute que celui-ci n'était pas suffisamment sécurisant, ils vont chercher un autre endroit et ils vont poursuivre leur hibernation ailleurs. Alors tout ce dont on vient de parler, tous ces mécanismes étranges qui permettent à ces animaux, que ce soit des gros ours ou des petits rongeurs, de survivre dans des conditions d'hypoxie, d'acidose du sang, de non-déjection. Bref, tout ça est bien évidemment fait rêver les scientifiques, notamment dans le domaine de la chirurgie. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au service de réanimation de l'hôpital de la Riboisière à Paris pour voir comment on peut ramener à la vie des personnes qui ont été victimes d'infarctus. Oui, j'ai retrouvé Nicolas Day qui est cardiologue et réanimateur. Alors lui, il pratique l'hypothermie thérapeutique depuis 10 ans environ pour sauver des patients. Le principe, c'est de plonger le corps dans un état d'hibernation artificielle sur 30 heures environ. Baisser la température jusqu'à 32 degrés permet de limiter la destruction des neurones qui s'enclenchent juste après l'infarctus. Et donc, cela permet de préserver le cerveau des séquelles irréversibles. Durant l'hibernation, hein, on voit que les animaux, ce qu'on sait là un peu plus récemment, c'est que leur température n'est pas constante. On pensait avant qu'ils étaient en permanence pendant tout l'hiver à une température basse. C'est faux. En fait, c'est par moment des variations de thermorégulation, mais ils font non pas une température constamment basse, mais une température basse avec des pics de remontée en température très très courts, très très fugaces. Le hamster par exemple, le golden hamster, il se réchauffe de 7 à 37 degrés en 90 minutes. Donc vous imaginez la rapidité de l'organisme qui doit être prêt à se mettre en condition normoterme finalement. Alors vous imaginez que nous, chez l'être humain, on est incapable de faire ça. Alors il faudrait pouvoir déjà comprendre comment ces mammifères arrivent à se remettre en normothermie aussi rapidement, puis à rebaisser, si ce n'est pas le moment, pour justement permettre d'évoquer ça chez l'homme. Hein. Actuellement, je travaille pour essayer de comprendre quels sont les patients qui vont pouvoir bénéficier, qui ont des lésions cérébrales accessibles, c'est-à-dire des lésions secondaires, de l'ischémie en perfusion, qu'il faut contrôler, entre autres par la température, puisque actuellement, c'est la seule méthode validée, ou en tout cas prometteuse, qui permet de contrôler ces lésions d'ischémie en perfusion. Donc vous voyez, on est loin de l'animal, on a vraiment beaucoup de boulot. Il faut vraiment trouver d'abord ceux qui vont pouvoir bénéficier de ça. Les patients qui ont des lésions neurologiques accessibles. Mais c'est sûr que c'est chez eux que moi j'ai envie de mettre la température basse. Et quand on met de la température basse, on la contrôle. Et pour faire bien les choses, il faut un dispositif. Nous, on n'est pas une marmotte, donc on a besoin de dispositifs externes quand on est malade pour être contrôlé de manière optimale. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est demain, il faut que les machines nous aident à faire ce contrôle parfait de la température. Et donc on s'occupe principalement à la Riboisière, en réanimation médicale, des arrêts cardiaques, des personnes qui ont fait un arrêt cardiaque et qui sont placées sous hypothermie thérapeutique ou en tout cas sous, maintenant on l'appelle, le contrôle ciblé de la température. Là, on est dans le service de réanimation médicale toxicologique. Donc ici, vous avez tout un tas de dispositifs de refroidissement. En réanimation. Alors, si par exemple, la personne n'a plus du tout de cœur, le cœur ne repart pas. Il faut bien mettre une assistance circulatoire, s'il y a une indication. Et donc, on met cette machine. Et en même temps qu'on met cette machine, on contrôle la température. Dans ce cas-là, on va même brancher ce qu'on appelle un bloc thermique sur l'assistance circulatoire. C'est des pompes, hein, donc ça c'est très efficace. Le problème c'est que quand on met ces machines, c'est sur des patients très graves, vous avez bien compris, puisqu'ils n'ont plus de cœur. Donc c'est des patients à pronostic pas très bon. Mais c'est une des techniques les plus efficaces. Alors je vais vous montrer les autres. Vous voyez par exemple, hein, le patient a une assistance circulatoire, mais c'est pour une autre question, et on contrôle sa température à l'aide du bloc thermique qui est associé à l'assistance circulatoire. D'accord ? On a une précision de 0,1 degré près au niveau central. Alors, lui, il est placé en 36. Donc là, vraiment, c'est une maintenance thermique parfaite. Alors, d'ailleurs, c'est un thème de recherche. Est-ce que c'est bien de maintenir toujours la température précise ou est-ce qu'il faut, au contraire, faire de temps en temps des petits pics? On ne sait pas. Ça, on ne sait rien du tout. Hein. On ne sait même pas, on ne fait aucun calcul de thermodynamique auprès des malades, alors qu'on pourrait le faire. Hein. Il y en a d'autres. Tiens, en chambre 1, on va aller voir un patient en arrêt cardiaque. Là, on lui met un contrôle thermique parce qu'il y a une déperdition thermique importante à cause du sang qui circule en extracorporel. Donc, il y a un risque d'hypothermie. Et l'hypothermie a des effets secondaires. Donc, il y a des effets positifs et des effets secondaires. peut-être, je vais vous montrer de loin. Vous voyez ici donc là, un autre dispositif qui est un dispositif externe avec des patchs collants qui permet de contrôler la surface, pas l'intérieur, mais l'extérieur. Le refroidissement, donc on l'a contrôlé à 33 degrés pendant 28 heures. L'intérieur est contrôlé et monitoré en permanence par une sonde œsophagienne et une sonde vésicale. Donc on contrôle les organes pour qu'ils soient en permanence à 33 degrés de manière très précise. C'est automatisé. Et donc ça, ce sont les recommandations depuis 2017 que nous, on a validées en France. On n'a pas la preuve que ça sauve des malades, mais on a clairement, et on est en train de faire deux papiers actuellement qui vont être publiés d'ici peu, pour dire que les dispositifs sont mieux que ne pas en mettre. C'est les moyens qui aident à la thermorégulation. Voilà, je vais peut-être vous montrer d'autres... Donc, une infirmière qui fait de l'hypothermie fréquente. Hein. Donc, c'est un arrêt cardiaque de 16 ans. C'est jeune, hein. Donc là, vous voyez, un cœur artificiel, là. Et là, on met un contrôle thermique externe. Vous voyez les pinches qui sont collées sur le patient. On a aussi des cathéters endovasculaires qui sont mis à l'intérieur du patient, comme un cathéter pour mettre des perfusions, dans des veines, donc, centrale, des veines profondes, et on fait encore venir du liquide en circuit clos. Alors là, on est en normothermie, vous voyez, 36,5 degrés. Il y a eu de l'hypothermie au départ, et ensuite il y a la normothermie, mais on la contrôle en permanence. Il y a le contrôle ciblé de la température qu'on fait entre 32 et 36 degrés, qui doit durer au moins 24 heures. Mais ensuite, il faut contrôler la température, puisqu'il peut y avoir des lésions secondaires. On dit classiquement que ça commence dans les minutes après l'arrêt cardiaque, quand on a repris une activité circulatoire, ça peut durer plusieurs jours. Et le contrôle de la normothermie en post-arrêt cardiaque, il est conseillé de le maintenir 3 jours. Voilà l'une des possibles applications de notre compréhension des mécanismes d'hibernation. C'est juste une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Fabrice Bertil. Oui, ça fait partie des stratégies effectivement qui sont très intéressantes en ce moment d'induire une hypothermie pour aider dans tous ces cas-là. Nous, on a une approche un petit peu différente. On essaye de rechercher des molécules qui pourraient être actives chez l'homme. On a récemment montré que le sang de l'ours hibernant et pas le sang de l'ours actif contient des molécules qui sont capables d'agir favorablement sur des cellules musculaires humaines. Favorablement, c'est-à-dire ? Agir favorablement, ça veut dire les faire grossir. Et les faire grossir, on a étudié les mécanismes, hein, puisque une des difficultés, c'est lié à la question de tout à l'heure, c'est que on étudiait beaucoup les souris, vous disiez, et pas les non-modèles, donc parce qu'on n'avait pas d'outils moléculaires. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils, et donc une des façons donc de faire grossir ces cellules musculaires humaines, c'est d'inhiber la dégradation des protéines. Donc exactement ce dont on parlait tout à l'heure, en disant qu'on ne savait pas le faire chez l'homme, et ben il y a des molécules dans le sang de l'ours hibernant qui savent le faire, qui savent l'induire dans des cellules musculaires humaines. Vous allez faire rêver dans les salles de culturisme. Peut-être, mais bon, c'est un grand défi maintenant d'identifier ce qui, dans le sérum, est actif. Et pour les pathologies d'atrophie musculaire, notamment. Géraldine Véron, un mot de conclusion. Oui, bah, je pense que ça montre bien effectivement l'utilisation de ces animaux et notamment les ours qui sont vraiment des animaux très spectaculaires, très intéressants, qui résultent de millions d'années d'évolution, peuvent nous apporter quelque chose à nous. Et donc c'est un message aussi pour nous de se dire qu'il faut peut-être préserver cette diversité et ces espèces. Préserver la biodiversité, on ne le dira jamais assez. C'est un message que nous essayons d'envoyer régulièrement dans la méthode scientifique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fabrice Bertil, merci Géraldine Véron d'être venue nous parler de ces mécanismes encore bien curieux et pourtant passionnant de l'hibernation. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen et Léonore Pérez, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous prendrons à la fois de la hauteur et de la profondeur, puisque nous vous parlerons de l'histoire géologique de la plus longue chaîne de montagnes continentales au monde. Il sera question de la cordillère des Andes demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.